Maintenant, c'est un gars, vois-tu, il y avait un gosse un peu sale de manche, pas mal, il avait envie de se mettre. Ça fait qu'il se pogne une pute, pas trop cher, pas trop libre. Ben avant de la sauter, il vient danser pour qui dans un élan de poésie mal contrôlée passant l'heure sur les boulevards, sur les banquettes, devant les skins, en s'en remettant au hasard sans plus se soucier de Lénine. Il s'est mal à l'arrière des taxis. Il s'est mal à l'arrière des taxis. Parce que tant que les heures valent, tant que les heures les années, et peu importe les villes, c'est Paris, Moscou, Berlin, Berlin l'enchantera ça. Et elle est déjà vue au règne de l'électricité, partout même sous nos peaux. La cicatrice en néon, et les égouts qui débordent, en pensant à l'île brique, Vladimir Mayakovski, il s'est mal à l'arrière des taxis. Il s'est mal à l'arrière des taxis. Parce que tant que les heures passent, tant que les heures sur la terre, sous le cater d'un kilo de futur, des messieurs incomplets vestons m'ont invité à une grande déception. Maintenant, je ne pleure plus, je ramasse des vies pour le jour J. et dans mon cœur, bon cœur, dans mon cœur, bon cœur, dans mon cœur, bon cœur, hey, c'était beau, ouais. Je frappe monnaie à ton effigie. Va-t'en pas. Dehors, les chemins sont coulants, les serments de rosée. Va-t'en pas. D'abord, il y a des silences bondés. On des métros, on commence, c'est épouvantable. On laisse ça comme ça, madame. Non. On peut. Mais non, c'est la lumière rouge, c'est écrit en direct. Va-t'en pas. Dehors, les chemins sont coulants, les serments de rosée. Va-t'en pas. Dehors, il y a des silences bondés d'autobus tombés sur le dos. Et vaniteux comme ils sont, au bouquet de clés, aux bijoux de panique. Ils vont t'asseoir dans un bureau pendant qu'il fait beau. Ils perceront l'écran pour t'offrir un écran où noyer ton enfant. Ils briseront les lois, les cadenas et les os. Dehors, il y a des orgies d'ennui jusqu'au fond des batteries. Va-t'en pas. D'abord, j'ai vu... Comment? D'abord, j'avais des buts dans une mesure de Richard, va-t'en pas. Dehors, j'ai vu un ciel si dur qui tombait les oiseaux. Hein? C'est pas qui, c'est que? Que tombaient les oiseaux. Que tombaient les oiseaux. Et les gens vont... Non. Tu sais que je lis sous les robes du temps et dans les lignes du ciment. Toi, les yeux, toi, tu as les yeux de l'amour. Toi, tu as les yeux de la tendresse. Tu sais que je lis sous les robes du temps et dans les lignes du ciment. Toi, tu as des yeux qui taillissent le sort. Non, c'était taillissent pas. Il m'haïssait hier au soir parce que Ginette ne voulait pas me laisser entrer. Rentrer? Je voulais pas rentrer. Il faisait froid. J'avais les doigts presque croches. Non, j'avais trois croches. Hein? Deux croches noires, triolet noir. Tu sais que je lis sous les robes du temps et dans les lignes du ciment. Toi, tu as des yeux qui trahissent le sort. Tu mérites l'amour. Maintenant que tu vois tout ce qui n'existe pas, et si tu veux venir, Neptune me guide où j'ai semé des larmes. Mes armes sont en fleurs. Va-t'en pas. Moi, j'ai tant d'ennemis, je peux pas les compter. Va-t'en pas. J'ai autant d'ennemis que 1000 Mexico. Va-t'en pas. Va-t'en pas. Va-t'en pas. Va-t'en pas, Richard. Je m'en excuse infiniment d'avoir massacré ta poésie. Va-t'en pas, mais qui l'eût cru? Le parles-tu cru? Qui lui a répondu, ben avec le parles-tu cru, votre mère Michel n'est pas perdue. C'est pas super. 1, 2, 3. Ça, c'est ma respiration rénaldienne à cette heure-ci, presque tardive. Non, il n'est pas tardif. Il n'est pas tardif, il n'est même pas crédible. Oh mon Dieu. Alors, c'est KRL, vous écoute. Oui, c'est KRL, vous écoute. Bonjour, monsieur. Bonjour, madame. Comment ça va, monsieur? Ça va très bien, vous? Oui, ça va très bien. Vous êtes... Je suis. Pendant presque 120 minutes. La présence ici pour vous raconter, vous relater l'histoire, cette étrange histoire du père Lustigru. Oui. C'est cru. C'est cru, c'est très cru. C'est moins 40. Non, moins 2. Moins 2, bingo. Non, touchez pas vos cartes. C'est cru. Qui l'eût cru? Le père Lustigru qui va vous répondre dans ces termes-là. Toi et moi à la recherche du père Lustigru. Et Ouais. OK. Non, c'est le chemin. Il me reste un chemin. Ah non, commence pas. Non, OK, mais je continue. Passer la vie à se rendre... À se rendre là-bas. Sans s'arrêter. Sans réclamer sa portion de pain. Seulement dilapider son amour en n'en récoltant que quelques baisers. C'est beau, ça! Est-ce que je peux prendre ça en note, Gaétan? J'ai eu une illumination, j'ai vu l'étoile qui est rentrée dans le micro, puis c'est sorti dans ma bouche. Je sais pas comment ça, c'est... C'est la meilleure émission que j'ai faite dans ma vie, ma petite... C'est excitant, ça, là. Enfin, il y a la chaleur, il y a l'intensité, il y a le Saint-Esprit qui... C'est du latin. Je sais même pas ce que ça veut dire. Traduction libre. Le Saint, de l'Esprit Saint. Ça, j'ai jamais chanté. C'est une mélodie que tu viens d'inventer, ben oui. Ça me dit quelque chose. Non, c'est de l'invention. Hein? Tu vois? C'est pas Jean Lesage qui a écrit ça. Comment il s'appelle le pianiste, là? Le grand? Le petit? Le petit Michel? Le petit Michel a passé en dessous du piano. Le petit Michel a rencontré André Gagnon. Le petit Michel a chanté avec lui. Il avait cette fanfare, cette fanfare. Oui. J'ai le rythme, hein? Moi, là, je suis un grand musicien méconnu. Alors, passer la vie à se vendre pour acheter les autres. Les objets nous éloignent des autres. Se rebeller est juste quand l'ordre est injuste. Ah oui, il faut que je vous raconte une petite anecdote savoureuse avant de se prononcer là, pour l'émission en cours. Ah, il n'y a pas de cours ce soir, alors vous êtes suspendus. Ah, mort, nous par la tête? Non, par le cou. Les pieds qui trimballent à Belling, à Baling, un peu comme le clocher. Le clocher de cette église qui cherche son Seigneur. Mais là, ça n'a rien à voir avec le Seigneur, l'église et tout ce que vous entendez par la voix sonore de cette radio, que vous regardez avec un air inquiet. Qu'est-ce que c'est ça? On a mis des piles là-dedans, des batteries. On a branché ça dans le mur. On avait l'électricité. Là, on a ouvert la radio. Là, on entend une voix, une émission, quelque chose qui n'a pas rapport avec ma digestion. La comprends-tu, rapport digestion? Oui, je vais vous remettre mon rapport en deux exemplaires, monsieur le producteur, grand animateur, oui, monsieur. Oh mon, attention, là, c'est Danny qui vient de m'appeler. Danny Fortin. Allô, Danny, monsieur Fortin, c'est... Ouais. L'animateur. On l'a mis à minuit. Mais ça vaut pas. On va là. Bon. OK, mais là, j'ai une anecdote. Non, ça va se tenir, là, monsieur. Puis là, il y a l'autre qui veut... Ouais, ça va se tenir. Non, ouais. Non. Ouais. Qu'est-ce c'est que... pas logique, ça. Comment? Allô, monsieur? Qu'est-ce que vous avez dit, vous? Non. C'est pas logique, ça. C'est pas logique? On veut pas de la logique, si... Moi, là, quand j'ouvre les fenêtres de mon logis, j'en ai pas de fenêtres dans ma chambre en passant. J'ai un ventilo qui roule 24 heures sur 24. 365 jours par l'année. Mais tout ça, c'est pour me créer un fauve. Hein? C'est pas un nouvel oiseau, un fauve. Hein? C'est, non, ça serait beau comme un nom d'oiseau, un fauve. Hein? Moi, j'ai gardé pendant 3 ans et demi des fauves dans une cage gigante. En fait, j'avais des aigles anciennement. Ça se garde très mal, des aigles. Ah, mon Dieu. Ça te regarde avec des yeux. Ça faisait penser à mon ancienne épouse. Je nourrissais ça aux 2 semaines. Là. Non, pas mon ancienne épouse, ces aigles-là. C'était des aigles noirs. Puis là, dans un glissement d'ailes, se sont mis à voler, hein, puis se tirer à travers les barreaux pour atteindre, vous savez, les enfants du paradis. Là, ça, c'est en haut des estrades, au théâtre. Barreau, Jean-Louis Barreau. Hein, hein? Pas de connotation intellectuelle. Culture, là. Ça fonctionne? Non? OK. C'est Ras Lamotte. Bon, on comprend rien. Non. J'ai un professeur en cinéma qui me disait, moi, il y a plusieurs années, et je l'ai radoté il y a quelques semaines, quelques mois, quelques années à mon émission. Enfin, je m'en rappelle plus. Pardon? Je me rappelle plus de ce que... Non, tu sais quoi? Non. Oui, c'est ça. Lui avait comme visée, lorsqu'on présentait un film et que les gens ne comprenaient pas, disait, c'est pas compliqué. Soit qu'on n'a pas de notion intellectuelle, on comprend pas, on n'a pas la capacité intellectuelle à saisir l'œuvre cinématographique, elle nous dépasse. Ou bedon. Il disait pas ou bedon, c'était un professeur du cégep. Il disait ou bedon, en éteignant sa marijuana, hein? Ouais, il faisait des joints. Non, des. Oui, c'est des liaisons. Il joignait les idées entre eux. Ouais. Il fumait pas. Non, c'est monsieur, non, il n'y a pas de problème là. C'est un professeur très légal. Oui. Ben voilà. Merci. Votre enquête plus tard, s'il vous plaît. Moi, je termine à 2 heures et quelques. Vous allez m'entendre dans la parade, avec votre chien. Pas des chiens. Deux chiens. Ah. Là, mes oiseaux, qu'est-ce qu'ils vont. OK. Ils vont les chercher par la couenne. Parce que c'est des oiseaux à plumes, là. C'est pas des oiseaux à laine. Mais. Parce que les oiseaux à laine, là, sont plus résistants, mais à plumes, là, tu prends une petite gorgée de sang, puis les plumes te rentrent dans la gorge, tu peux mourir. Ce chien-là peut mourir. Ouais. Si moi je veux, là, je dis chien, tu meurs, puis il va mourir, lui, là. Ah, moi, je suis très fort au niveau les interrelations. Moi, là, je touche même pas, puis je fais juste réfléchir, puis c'est fait. Comme là, je sais que c'est la meilleure émission du monde entier. Mais j'ai un monde entier, moi, assez très, très, très petit, très renfermé sur lui-même. Tu sais, c'est un microcosme. Ouais. C'est exactement ça. Ouais, mais les gens n'ont pas compris, mais c'est pas grave. Vous avez vraiment là, tout vu. C'est juste. Équitable. Mais là, je vais vous raconter l'histoire très, très simplement. Il faudrait passer une chanson, mais c'est pas grave. L'initiation. Cette semaine, j'ai rencontré... il y a une jeune fille qui est venue me voir. Et ça, c'est une histoire vraie. Là. Je l'ai raconté tout à l'heure et ça n'a pas fonctionné. Ça n'a pas levé. Les mots n'étaient pas là. Mais là, ce soir... On est en feu. Je n'ai pas appelé les pompiers, puis on n'éteindra pas ça avant les petites heures du matin. Donc, dans votre tête, ça va... Oui, constamment. Là. Alimenter. Mettez du bois d'allumage au début, puis laissez faire les bûches. Je les ajoute moi-même. OK? J'en ai acheté une cargaison. Là. Vous êtes combien d'auditeurs? Combien? Ben voyons donc, oui. J'ai juste 18 camions. Ouais, 18 tonnes de... bref, c'est pas grave. On va rajouter des bûches cybernétiques, OK? Inquiétez-vous pas. Relaxez, là. Prenez une bonne respiration. Préparez-vous un bon verre d'eau, pas de glace. Même une tisane. Bon. Excellent. Alors là, la jeune fille vient me voir. Il est 23h15. Elle me dit, vendez-vous des condoms? Là, elle me voit, là. Je lui dis, écoute, jeune fille, il faut me le dire dessus, là. J'ai à peu près ton âge, là. Elle me regarde, elle dit, hey, gars, oui, dans sa tête, là, hey, gars, oui, hey, il veut se mettre dans le vent, hein? Dans le vent. Fait que là, elle me dit, as-tu des condoms? J'ai dit, oui, ici. Fait que là, je les montre du doigt, là. Hey, condoms, les condoms, les condoms. Bon. comme un homme tout à fait, un jeune homme tout à fait heureux de montrer à une jeune fille que nous avons la protection pour l'amour universel. Et là, je lui pose toujours la question, bon, dans quelle position, hein? Bon, allez-vous faire ça à plusieurs? Bon, est-ce que je suis invité? Hein? Bon. Si je suis invité, moi, j'en veux pas de compte. Non, j'en ai pas besoin. Non, vous allez voir, vous allez comprendre quand, ouais. Voilà. Bon. Mais là, oui, j'en ai ici. Bon. Là, elle me dit, c'est pour c'est ça que j'avais de la difficulté à dire tantôt. Une initiation. Pouvez-vous le dire, monsieur? Oui. Une initiation. OK, j'ai ici ma voix qui va m'aider. Nous avions une... Une initiation, merci. Alors donc, pendant cette... Une initiation. Oui, oui, mais là, t'as un peu... Non, arrête. Initiation. OK, on va revenir. Ça va bien, vous? Initiation. OK. Alors, pendant cette... Initiation. La jeune fille m'a dit, pour réussir mon... Initiation. Je dois acheter des condoms à 5:00. Est-ce que je peux revenir? Puis, il n'y a aucun problème, mademoiselle. Revenez, venez, passez, repassez, trépassez. Allez. Amusez-vous, soyez folle. Alors, moi, j'étais excité là, comme un excitateur précoce. Et la jeune fille quitte. Je la vois-tu pas arriver à 1:01? Je la vois-tu pas arriver? La beauté devant le visage, le regard pervers, entre dans mon établissement pour son... Initiation. Et là, donc, elle me dit, est-ce qu'il est trop tard? Je dis, mais non, tu m'as dit, hein, 5:00 et il est 1:01. Alors là, il y a quelques clients, je passe des clients, là, elle avait peur de passer en dessous du 5:00, là, hein. J'ai dit, fais-toi-en pas, ma coquine, Riri est là pour te sauver. Ah, alors là, 3:00, je prends ces deux boîtes de condoms parce qu'elle devait en acheter deux pour son... Initiation. Alors, je l'ai... comment tu dis ça? Je les prends. non, c'est ça. Je les capte. Je capte des condoms. Deux boîtes et je place ça sur le comptoir. Donc, à 5:00, ting, je scanne. Je sors le reçu. Et là, j'ai dit pour ton... Initiation. Je vais sortir, comme je l'ai dit tout à l'heure, immédiatement le reçu. Et je vais te faire payer par l'autre petite machine qui va faire le même travail que celle que tu vois devant toi. Là, elle était contente. Elle était heureuse. Mais là, elle me dit, pour réussir mon... Initiation. Je dois te prendre en photo avec les boîtes de condoms et moi-même. Je dis, hey, là, il n'y a pas de problème. Fait que je lui sors le reçu, elle paye, ça lui coûte 6,53. Je fais le tour du comptoir, je me place devant elle et elle ne savait pas trop, là, elle ne pouvait pas tenir les deux boîtes de condoms puisqu'elle avait son cellulaire en même temps, elle devait prendre la photo. Je garde la mise en scène, je la connais, je vais te préparer ça. Je suis la Denise Filiatro de l'imaginaire, de l'iconicité. Tu tiens une boîte de condoms, je tiens une boîte de condoms. On sourit, tu prends la photo. Mais là, j'avais le sourire, là. Le sourire là, du Joker là, dans Batman. Là. Vous voyez le sourire là? Ça va leur dire je l'ai eu. Après une photo, c'était flou la première. Elle dit est-ce qu'on peut reprendre une autre? Prends-en comme tu veux, moi, il n'y a aucun problème. Le végétario, ça ne monte pas à la tête. Elle sourirait. Et pour son initiation. La photo a été prise. Elle m'a 100 fois remercié et je lui ai dit avant de quitter. Surtout, je veux que tu places ça sur ton Facebook. Elle croyait l'inverse. Elle croyait que j'allais lui dire « Hey, madame, placez pas ça sur votre site cybernétique où la société cybernétique visite avec voyeurisme tous les cahiers Internet. » Non, j'ai dit « Mets ça sur ton site. Pourquoi? » Elle et moi, c'est l'osmose. Et grâce à moi, elle a peut-être gagné son... Initiation. Bon. Monsieur le Président, Monsieur les patrons catholiques, bienvenue à l'émission de variété indépendante francophone Errance Rénaldienne. L'absurde aventure s'ouvre à l'instant. Nous marcherons ensemble, nous défricherons les chemins narratifs et voici le pitre qui change les chapitres diégétiques, votre itinérant langagier, Rénal Gagné. Mais à Paris, en juillet, devant cette chanteuse, danseuse, intellectuel, j'ai eu mon... initiation. Je vous présente cette rencontre. Aujourd'hui, le vendredi 23 novembre 2012, les errances rénaldiennes présentent plusieurs routes pour nous et entre nous. Les sons sur la chaussée et les valises trop lourdes, les problèmes liés au boulot et au ciboulot. Confions la boussole aux gestionnaires de nos entreprises en manque de direction. Oublions les embarras familiaux, l'école, bref. Apaisons la dure réalité qui attaque notre quotidien. Et pour nous envelopper dans une atmosphère narrative, unissons-nous autour de l'artiste multidisciplinaire Robert. Myriam Roulet, dite Robert, est une chanteuse, auteure, compositrice, interprète française, née le 14 octobre 1900... à Paris. 1900 quelques, pas 1900, parce que Robert n'a pas d'âge. Sa beauté en témoigne. Également danseuse et comédienne, elle évolue dans un univers à mi-chemin entre le féerique et le tragique. Parfois, avec une pointe d'absurdité. Et à Iran Sénaldine, l'absurdité, il adore ça. Il en demande. Il en redemande. Madame, est-ce que je pourrais avoir encore deux tasses d'absurdité, s'il vous plaît, dans un doigt d'humour? Et si vous pouvez rajouter deux S d'intelligence, ça serait quand même apprécié. Je sais qu'on l'attend, là. On l'attend, l'intelligence, elle va arriver, là. Un jour et la nuit, il est quelle heure, là? L'intelligence, elle a manqué son autobus, hein? J'attendrai toujours l'intelligence en son retour. J'attendrai plein d'amour qui s'enlève. On va l'attendre longtemps. Ah, c'est qui passe, là? Ah oh non, c'est l'insignifiance, c'est pas l'intelligence, ça. Mais ça, c'est, regarde-moi ça, cette face-là. Je veux plus la voir, là. Mais non, c'est l'insignifiance. Ben oui, je veux rien savoir. Mais non, c'est normal, c'est une insignifiance. J'entendrai comme le bateau qui s'enfuit. Et puis, l'intelligence, elle n'est pas là. Ça passe pas. Bon, la mort, l'enfance. Sa musique baroque, souvent mêlée d'électronique, sa voix cristalline et l'émotion qu'elle dégage lui valent un succès réel en France, en Suisse, en Belgique, mais également au Japon. Bientôt au Québec. Grâce à ses KRL. En juillet 2012, Errance Rénaldienne se trouvait là, à Paris, pour rencontrer cette sublime artiste. Quand il y a sublime, il y a artiste, et quand il y a artiste, il y a sublime, lorsque tout va ensemble. L'intelligence, le talent, le regard perçant, et le petit côté coquin. Là. Elle était coquine. Vous allez vous en rendre compte. Hey. En plus, je l'ai rencontré dans un endroit là, passablement chargé de citoyens. Et puis, c'est comme ça. Est-ce qu'on peut, on y va? Puis, l'intelligence, elle a raté son... Ben oui, elle rate tout le temps. On rate ça. C'est ça. On n'y aura pas d'intelligence. Baignoire avec des poules et des canards. Il compte pas pour du beurre. C'est l'histoire du petit oiseau qui voudrait un vélo pour pas finir en plumeau. Il compte pas pour du beurre. Les devoirs de maths, comme sa copine la patate. du beurre. C'est l'histoire du poisson-chat qui comprend pas pourquoi des poissons souris y en a pas. Il compte pas pour du beurre. C'est l'histoire d'une petite chouette qui voudrait des lunettes et aussi une paire de couettes. Petit doigt qui comprend pas pourquoi on l'accuse d'avoir dit ça. C'est l'histoire de la petite souris qui a perdu son argent en allant chercher des dents. C'est l'histoire de mon petit doigt, de la chouette, du petit renard, de l'oiseau, de la petite tomate. Des Doc Martens. Ouais. Ah oui. Ah oui, j'ai rencontré Burgala qui vous fait dire bonjour. Ah, oh, Bertrand. Même. Merci. Il travaille sur un spectacle. Ouais. Il savait pas que. Est-ce qu'on se tutoie ou on se voit? Bon, on va se tutoyer. OK. Puis il savait pas que tu avais préparé un album et je lui ai raconté. Bref, j'ai dit, j'ai fait ton attaché de presse. Ben écoute, je te remercie. Et ça fait plaisir. On va commencer à l'origine parce qu'au Québec, tu es connu. Dans ma radio à CKRL, puisque dans les années 80, on diffusait, 85-86, on diffusait des chanteurs français underground. Ouais. Et donc, t'en fais partie. Hein. Mais à un moment donné, peut-être il y a 10-15 ans, on t'a perdu de vue. Oui. Au Québec. Oui. Je sais pas si c'est partout dans la francophonie. Là. C'est-à-dire qu'en fait, je suis plutôt attachée sur le Japon. OK. C'est-à-dire qu'en fait, j'ai perdu ma maison de disques. Hein. Et j'ai monté mon label. Hein. J'ai okay. pas voulu retourner dans une major. OK. Parce que je me sentais pas bien. OK. Alors que j'avais eu à nouveau retrouvé un contrat chez Universal. Et, ça, c'est en quelle année? Alors, c'est 2006. OK. Voilà. Et puis, c'était pour l'album Celle qui tue. OK, et oui. Puis, donc, en fait, j'ai continué après à faire... je me sens bien plus à l'aise dans ma maison de disques. Qui est la tienne? Ouais. Et donc, j'ai mon distributeur, ce qui me permet de choisir mes salles. Si j'ai penché dans une maison de disques et je leur dis, voilà, je vais faire un Olympia, on va me dire, bah non, tu peux pas, parce que on veut pas, parce que tu passes pas en radio, il y aura personne. Mm-hmm. Et moi, je leur dis, mais non, vous avez tort, quoi, parce que moi, j'ai un réseau sur Internet, j'ai beaucoup de gens. Et je l'ai donc fait deux fois depuis l'Olympia, ouais. Depuis que je suis plus dans les majeures. Et j'ai eu le DVD d'un Olympia. Voilà, et ça se passe très bien. Donc, ouais. Et je serais dans une maison, dans une majeure, j'aurais pas le droit. Mm-hmm. Donc en fait, j'ai une idée. Mais pourquoi pas le droit? Parce qu'on est, on fait là où on nous dit. Il faut faire là où on nous dit. Ok, alors c'est les tourneurs qui choisissent. Non, c'est la maison de disque. Je me souviens même à un moment donné, j'ai été chez Tréma pour l'album Celle qui tue. et pas très longtemps, et ils n'étaient pas trop chauds pour que je fasse l'européen. Donc j'ai dit, bah, pas de problème, vous n'êtes pas chaud, mais est-ce que vous me laissez le faire? Ouais, de toute façon, voilà. Bon. Et je l'ai organisé. Mm-hmm. Et le comble, c'est qu'au moment des cartes de visite, mm-hmm. ils ont mis Tréma et mon label. Okay. Comme si s'associait au projet que toi, tu avais monté. Oui, sauf que c'est moi qui l'ai monté, là, que j'ai presque tout. Donc là, j'étais aussi un peu gonflée. et c'est là que toi, tu as brisé ton lien avec Tréma. C'était avant, okay. Je l'avais fait pour faire plaisir à Méline Autant qui. Voilà, je me dis, je vais faire les choses bien, on va se mettre dans une maison de disques un peu plus. Connue et reconnue. Voilà, mais puis en fait, ça nous a servi à rien non. Et nous, on a. Tout ce que j'ai obtenu, je l'ai obtenu toute seule. Okay. Même Ardisson, tous ces trucs-là, je les ai obtenus toute seule. Alors, tu fais ton propre tourneur, tu es la fille qui gère ta carrière. Ouais. Mais après, ma barre, on va commencer par le début. Robert, pourquoi avoir utilisé un nom masculin pour... C'était pas une très bonne idée. Ah, que tu le regrettes aujourd'hui? Non. Okay. Maintenant, ça va, parce que c'est devenu mon nom. Donc, je trouve bizarre quand on m'appelle autrement. Si c'est pas ton véritable... Oui, mais comme tout le monde m'appelle... Okay. Tout le monde m'appelle comme ça. Okay. En dehors du métier? Peut-être pas. En dehors du métier, si. Ok. C'est resté Robert. Oui, c'est resté Robert. Mais en fait, c'est que... Moi, je suis tombée amoureuse d'un garçon en 5e, puis que j'ai retrouvé en 3e, et puis à l'âge de 20 ans, j'avais déjà un enfant d'un an et demi, et j'étais toujours amoureuse de lui, et finalement... C'est celui à qui j'ai parlé tout à l'heure. Ouais. Ok. Et qu'on voit sur le DVD. Ouais. C'est en fait ton musicien ou ton accompagnateur? Ah ben c'est lui qui fait, okay. c'est le musicien, ouais. Ok. Et puis donc voilà, et en fait, il était un peu provoque. Et ouais. Moi j'aimais bien les princesses, j'aimais bien les choses un peu romantiques comme ça, donc j'avais des prénoms genre Déborah Rem, Arem, bon. Et quand j'étais sur les plateaux de ce que je faisais du cinéma et la télévision, et à chaque fois que j'étais sur un plateau qu'on me disait Déborah, je me retournais jamais, ça marchait pas. Et du coup j'avais un tas de pseudos sur ma boîte aux lettres parce que je recevais du courrier, et ça marchait pas. Et donc je lui en parlais comme ça en me disant j'arrive pas à me trouver un pseudo qui fait que je me retourne, j'arrive à en trouver qui me plaise mais pas. Puis il me regarde comme ça avec son petit air un peu macho. Il dit quoi, on pense pas quand on te regarde, pourquoi tu prends pas un truc drôle? Bon, j'ai dit vas-y. Il me dit quand on te regarde on pense pas à Robert. Alors évidemment étant amoureuse j'allais pas lui dire ton idée elle est con. Donc je me suis dit c'est drôle, super. Et comme j'avais l'habitude de changer de pseudo, je me suis dit dans 15 jours, ça lui sera passé. I'm giving you back to the world, girl. I'm sending you back from where you came, dame. Giving you back to your mother lover. I'm giving you back to the world, girl. You deserve each other, baby. I'm sending your clothes back in a sack, Jack. I'm putting you down in your town clown. Giving you back to your daddy fatty. I'm giving you back to your world, girl. You deserve each other, baby. You deserve each other, baby. Same old story told. You deserve each other, baby. Baby, baby, baby. You're cut out from the same mold. I'm returning your kisses, misses. Here's your dreary old tear, dear. I'm giving giving you back to your past, yeah. Giving you back to your world, girl. You deserve each other, baby. Dans le pays des sons. T'as même pas le tempo, maman. T'as même pas le tempo, maman. T'as même pas le tempo, maman. T'as même pas le tempo, maman. C'est le succès. Maman. T'as même pas le tempo, maman. OK. Prolétaires de tous les pays, caressez-vous! À quoi bon faire cette émission si on ne se rend pas ridicule? Hein? Si on ne se rend pas ridicule? Parce que si on se rend ridicule, on est ridicule. Mais si on ne se rend pas ridicule, on ne peut pas dire que c'est une citation librement inspirée de Virginia Woolf. Et comme disait Woolf, assieds-toi à cette heure. Hey, à 1h moins 10. Sortez à l'extérieur. Je vous laisse 2 minutes. OK, c'est avec vos baladeurs, si vous en avez. Je me baladais sur l'inconnu. Baladez-vous. C'est en balado-diffusion. Là, si vous nous écoutez en balado-diffusion, il est en plein. Je ne sais pas quelle heure est-il. 14h30. 14h, c'est une émission de nuit. Ben oui, 14h. Ben, peu importe. Regardez la lune. J'ai dit 14h30. Ben, regarde la lune. Dans ta tête. Oh, monsieur. Attendez. Fring, fring. Je tourne les pages. Fring, la lune. La lune. Fring, fring, fring, fring. Ah, c'est là. Oui. La lune. Je vois l'arc-en-ciel, mais la lune. Ah, ça, c'est intéressant. Là, je viens de lancer quelque chose dans ma tête. Aïe, oh. Puis je veux le dire. Je veux le lancer. Au grand jour. Même si c'est la nuit. Pourquoi? Puis là, attention, là. Êtes-vous prêt à recevoir autant d'intensité intellectuelle? Raymond? Oui? Arrête de tourner ta sauce à spaghetti, il va se passer quelque chose, là. Oui, oui, le monsieur. C'est le monsieur. Il est pas... Il est là. Oui, oui, il est, c'est ça le problème. Il est. Il est. Il est quoi? Il est. OK, il est. Alors, allez-y, monsieur l'animateur. Merci. C'est Rénal Gagné. Ah, oh, mon Dieu, il n'y a pas besoin de le dire, hein? Ça se sent. Ça se... Oui, merci. Ça s'entend. Oh! Et ça se comprend pas. Oh, merveilleux, merci. Pourquoi? Alors, c'est là, êtes-vous prêt? Arrête de tourner ta sauce, Rita. Eh oui, mais ça va coller. Ça collera. Bon. On en fera de la tapisserie, puis on mettra du verglas. Du verglas sur la tapisserie. En tout cas, bref, c'est pas important. Mon énoncé est la suivante. Et la suivante. Pourquoi n'y a-t-il pas d'arc-en-ciel la nuit? C'est intéressant, là! C'est insignifiant. C'est le jour, il vient, il pleut, il y a un soleil. Oh, il y a l'arc-en-ciel! Pourquoi pas la nuit? Il fait noir. Il y a la lune. Des belles couleurs rouge, jaune, verte, orange, rose. Oh, c'est l'arc-en-ciel nocturne. On va en créer une ce soir. C'est quand même assez unique. Là. Le 23 novembre, regardez à l'extérieur, on va se créer l'arc-en-ciel nocturne. Mettez-vous le nez dans la fenêtre. Rentre-toi le nez dans la fenêtre. Il est rentré. Le nez? Vous avez un gros nez? Mais non, j'ai une petite fenêtre. Ah, ben oui. C'est bien de dire que c'est la fenêtre. Hein? Le problème, c'est la fenêtre. Oui, c'est pas mon nez, c'est la fenêtre. OK. C'est pas la fenêtre. Non, c'est pas la fenêtre. C'est la fenêtre. OK. Il n'y a même plus de céder à la fenêtre. Non, c'est la fenêtre. OK, la fenêtre. Et là, dans votre tête, OK, le nez, la fenêtre, la tête, OK. Dans votre tête, oui, dans ma tête, OK. Il y en a une? Oui, il y a une fenêtre. Non, une tête. Il y a une tête, il y a une fenêtre, il y a un nez. Il y a des vitres. Il y a une vitre. Oui, j'espère. Entre moi et l'extérieur. OK. Sinon, il fait froid. OK. Et là, je vois l'extérieur. OK. Et là, dans votre tête, madame? C'est monsieur. Oh, vous avez une voix? Une voix nasillarde. Donc, je suis un monsieur. OK. Les femmes? Les femmes ont des voix sensuelles. Écoutez, Robert, vous là. Écoutez, est-ce qu'on a la voix de Robert? Tantôt, OK. Alors là, j'ai une à la fenêtre. Pas à la fenêtre, parce qu'il n'y a plus de CD. À la fenêtre. Et, excusez-moi, j'ai une dernière gorgée, là. Ça vient de passer. C'est comme le cerveau, là. Je pense que c'est une cellule qui est passée dans le gorgoton, là, dans mon gorgoton. Il y en avait. Parce que mon médecin m'a dit mon nœud. J'avais un nœud, hein, mais mon nœud. Mais voyons donc. Mon neurologue. il a fait une MTS de mon cerveau. Pas une MTS, une FTP. Une TNM. Une RTC. Une GLA. Une ABC. Une ACV. Une QLL. ABC. Une R. Voyons, l'album de Charlotte Gainsbourg, c'est RTP. Donc, c'est RIP, NTP. En tout cas, un scanner. Quand je l'ai rencontré 2 semaines après, il m'a dit, Rénal, il traite juste une cellule. Là, j'ai peur parce que je pense que je viens de l'avaler. Ça veut dire que là, vous parlez à quelqu'un actuellement, je fais une émission de radio, il me reste encore 1h05, puis j'ai plus de cellules. Vous entendez? Un animateur qui a plus de cellules. L'émission risque d'être même plus unicellulaire. Nul! si découvert. Et là, on va le découvrir. On ne peut pas le découvrir. Pourquoi? Il n'y a plus de cellules. Il n'y en a plus. Il n'y a plus d'intelligence. Il n'y a rien. Regarde. C'est comme l'apnée, je n'ai plus rien. Il n'y a rien. Ben arrête donc, le malade. Non, non, ben, je ne suis pas malade. Il n'y a plus de cellules. Arrête donc. C'est impossible. Ben, impossible. Il n'y a rien d'impossible. La preuve. Ben, c'est vrai, hein? On va trouver un autre animateur. T'as-tu le bottin? On se prépare à faire du patin. C'est le mois de novembre. Puis moi, je sais jamais faire à roulette, oui, mais à glace, là, ça fonctionne pas. Parce que ça me rappelle. Non, je peux pas le dire, ça. Hein? C'est la censure. Ouais, oui, OK, on y va avec la censure. Oh, la censure est passée. Alors là, mettez-vous le nez dans la fenêtre. L'unicellulaire est parti, là. OK, mettez-vous le nez dans la fenêtre. Et dans votre tête, imaginez-vous l'arc-en-ciel. Plus facilement, fermez les yeux avant. Fermez les yeux. Bon. Ferme tes yeux, ouvre ta bouche, tu verras, ça ira mieux. Ferme tes yeux, ouvre ta bouche, ferme tes yeux, tu verras, ça glissera mieux. OK, ferme tes yeux. Vois l'arc-en-ciel dans ta tête, la vois-tu? Hein? Mel, merci, mets le piton. OK, ouvre tes yeux, mets le piton. Oui! Attends, voilà, l'arc-en-ciel, mais il n'y a pas toutes les couleurs du dos, moi. Il y a le bleu, OK, il y a le jaune, il y a le vert, il y a le jaune pâle, il y a le rose foncé, puis il y a comme le gros rose, le rose foncé, le gros rouge comme ça. Où sont vos toilettes, M. Grenier? J'ai pas de toilettes. Oh non, ça va pas très bien. Doodle-yop. Doodle-yop. I love your loving arms. Doodle-yop. They hold a world of charm. Doodle-yop. A place to nestle when I am lonely. Doodle-yop. We never have a care. Doodle-yop. Oh, what a happy pair. Doodle-yop. One caress, happiness. Seems to bless my little honey. I love you more each day. Doodle-yop. When years have passed away. Doodle-yop. You'll find my love belongs to you only. 'Cause when the world seems wrong, I know that I belong. Doodle-yop. Right in my baby's loving arms. Have a care. Oh, what a happy pair. One caress, happiness seems to bless my little honey. I love you more each day. When years have passed away, you'll find my love belongs to you only. 'Cause when the world seems wrong, I know that I belong right in my honey's loving arms. I love you more each day. When years have passed away, you'll find my love belongs to you only. 'Cause when the world seems wrong, I know that I belong right in my honey's loving. Right in my honey's loving. Right in my honey's loving arms. Loving, honey's loving. Et le problème, c'est que pendant les 15 jours, je me suis retrouvée dans un grand magasin parisien et il y a une femme qui a appelé son mari et je me suis retournée. Ok, alors là, c'est le nom. Donc si je me retourne sur Robert, c'est quand même quelque chose d'important. Mm-hmm. Donc finalement, je n'ai pas entendu Robert le camionneur comme ce que j'avais entendu quand il m'a donné ce prénom. Au Québec, il y a beaucoup de Robert ici aussi d'ailleurs. Oui, bah oui. Okay. Et puis même chez nous, en fait, Robert, c'est le mec qui est en Marseille. Oui, chez nous aussi. Voilà, hein, le camion. Oh, voilà. Oh, oh, oui. Moi, ça m'amusait pas trop. Macho. Voilà, et ça m'amusait pas du tout. En plus, il y avait le côté sexy, les Robert, les seins. Voilà. Oh, oh, ouais. C'était pas du tout. J'étais pas tellement dans cette image-là. Et. Bah finalement, à partir de là, quand j'ai pas entendu Robert comme le camionneur, mais j'ai entendu Rob. Okay. Et air, ah, oui. Aérien. Donc j'ai finalement féminisé dans ma tête. Et je l'entends plus comme un. À la limite, quand j'entends un homme qui s'appelle Robert, ça. Oh, oui. Et même mes enfants petits, parce qu'après j'ai eu deux enfants avec lui, oui. Donc j'en ai trois. Quand ils voyaient un Robert à la télé, ils rigolaient, quoi. Mais oui, parce que c'était toi. Ben oui. En fait, c'était... Maman, on te connaît. Il a un nom de fille. Ça, c'est dans les années 80, le nom de Robert. Moi, mon premier single, c'était en 92. OK. Et mon premier album, c'était en 93. OK. Et voilà, donc à partir de là, ben, Robert, c'est devenu un nom féminin. Mais avant tout, avant d'être chanteuse, tu étais danseuse? Moi, je suis danseuse. Oui, à l'origine? Oui. Mais danseuse professionnelle? Professionnelle, j'ai pas eu le temps d'être professionnelle puisque j'étais enfant. Mm-hmm. Et j'ai eu un accident. Ce qui fait que j'ai plus... Les jambes? Oui. Les pieds, mmh. Opération, fini. Ok, fini. Alors la carrière professionnelle de ballerine, okay. Totalement fini. Donc mes parents ne savaient pas quoi faire de moi. Je peux les comprendre parce que je n'avais quasiment jamais été à l'école pour des problèmes de santé. Ils se sont dit, on va la mettre dans une école de théâtre. Okay. Et passer d'une passion à l'autre comme ça, du jour au lendemain, c'est pas possible. J'ai passé mes cours de théâtre dans un café. C'est bien. C'est avec mes premières cigarettes. Oui, oh, OK. Et tu fumes encore, non? Non. OK. Non. Okay. Pour la voix, pour les enfants aussi? Pour la santé, j'ai fait un choix. Je me suis dit que la cigarette, c'était bien, mais c'était bien pour quand on était ado, mm-hmm. parce qu'on a besoin d'une contenance. Moi, j'ai ressenti ça. Mm-hmm. On veut ressembler à nos amis aussi. Là. Oui, c'est un truc... ça aide à grandir, voilà. Oui. Et puis... avant l'enregistrement de mon premier album, je me suis dit, ça y est, t'es grande. Faut peut-être que tu penses, j'ai perdu du monde autour de moi par rapport à ça. Je me suis dit, ça y est, faut que tu fasses un choix maintenant dans ta vie. Qu'est-ce que tu veux? Tu veux ça ou pas? OK. Et donc, surtout que là, tu t'orientais vers la carrière de chanteuse, donc il fallait aussi... C'était aussi une question de vie. Je me suis dit que c'était dégueulasse. Okay. Et j'ai arrêté. Mais t'arrêtais à temps, donc ça faisait pas des années que t'étais fumeuse, ça faisait pas 20 ans, donc c'était un peu... Non, ça faisait pas 20 ans, ça faisait 10 ans, et c'était déjà c'était pas temps. Mal. Oh, c'était temps d'arrêter. Oui, avant d'être trop... J'étais déjà bien accro, parce que moi, quand je fume, c'est plus d'un paquet par jour. À la Gainsbourg. Ouais. Lui, c'est 2-3. Ben, c'était 2-3. Non, parce que il m'est arrivé d'en fumer 2 par jour, mais ça, c'est quand tu dors pas. OK. Les gens qui fument plus d'un paquet, c'est les gens qui ont des problèmes de sommeil. OK. Oui. Ou c'est une après l'autre. Une allume l'autre. Mais en général, c'est des gens qui vivent aussi la nuit. OK. Et c'est ton cas? Moi, c'est mon cas, mais je fume pas quand même. OK. Mais c'est de moins en moins ton cas avec des enfants, dormir, vivre la nuit? Ah non, moi, j'ai pas changé mon rythme de vie. Okay. Hein. Incapable de changer mon rythme de vie parce que j'ai des enfants. Le côté, on fait des enfants, on est marié, on vit pépère, peinard. Tu ne te sentais pas à l'aise dans ce créneau-là? Non. Moi, par contre, j'avais vraiment besoin de vivre mes rêves d'enfant. C'est-à-dire, ils se marièrent, beaucoup d'enfants, trouver l'homme de ma vie. Ça, c'était l'histoire d'une princesse. Voilà. Mmh. Moi, ça, c'est... En plus, j'ai trouvé le prince. Hein. Oui. Je l'ai trouvé à l'école, comme quoi l'école, ça mène à tout. Oui. Au-delà des études. C'est mon avenir. On décontrôle l'avenir à l'école. Bah, écoute, moi, je l'ai trouvé à l'école, mon avenir. Une avenir amoureuse. Voilà, et professionnel. L'ensemble de tout ça. Et voilà, donc... Mais est-ce que tu étais musicien à l'origine, Lui, mais les musiciens classiques, musiciens baroques. Mais ça sent plutôt aussi à la musique. C'est vraiment une musique recherchée. Ouais. Et tu as pu, même si tu n'as pas fait carrière de danseuse, tu as incorporé ça dans ton spectacle, dans tes spectacles. Tout à fait. Il y a une mise en scène avec des vrais danseurs. Oui, et moi aussi parfois. Oui, c'est ça, beaucoup. Ouais. Et dans le prochain spectacle, j'ai fait 2 spectacles en janvier au Café de la Danse. Ouais. Je travaille avec un chorégraphe. Mm-hmm. Et pour la première fois, je délègue la mise en scène. C'est-à-dire que d'habitude, c'est moi qui fais les costumes, c'est moi qui fais les décors, c'est moi qui fais tout. C'est vraiment tout. Silver spoon he's given, and not one single care. Another child born wild, chaos for his measure. Love will be his treasure, his teenage mama swear. Make it be all our fault, so we put to the test. I'm climbing up from zero. Sure enough, her hero is hiding somewhere deep inside. Oh, là, pour cette fois-ci, je délègue. Okay. C'est la première fois, donc c'est assez impressionnant. Mais est-ce que tu fais assez confiance pour déléguer? C'est quelqu'un que tu connais très bien? Non, c'est pas quelqu'un que je connais très bien, c'est quelqu'un qui me connaît très bien. Parce qu'il t'a suivi comme moi. Voilà. Okay. Ok, non, mais... Donc, du coup, quand il me propose quelque chose, il est jamais loin. Okay. Donc, quelque chose, forcément, il tombe juste. Ok. Et c'est comme ça qu'il fait que, en fait, c'est un fan et qui... que je connais depuis des années et puis ben voilà et puis maintenant il me fait une proposition en me disant bon elle va jamais accepter je suis que machin et puis en fait ben non mais lui il y avait un circuit professionnel aussi ou vraiment non, non il est tout jeune il a 24 ans okay. Il est encore dans les études professionnelles de danse Alors toi tu lui donnes cette chance là de pouvoir t'accompagner dans ta carrière je sais pas si je lui donne cette chance je sais pas qui elle a moi je trouve que j'ai beaucoup de chance de le rencontrer okay. C'est les gens de talent c'est vrai c'est rare voilà mais, moi, mais à 24 ans c'est quand même toi qui lui donnes une chance puisque lui il a rien prouvé encore mais toi t'as déjà une carrière peut-être mais c'est vrai que ça m'est souvent arrivé de travailler avec des gens qui au début n'étaient pas connus puis après sont devenus très connus c'est parce que ces gens-là te renouvellent te voient autrement, peuvent actualiser un peu ton style ou... Non, c'est plutôt moi qui les amène à faire des choses différentes. C'est-à-dire, par exemple, il y a un photographe, quand je l'ai rencontré, il vendait des bonbons chez UGC. Okay. Et puis maintenant, c'est Vincent Maléa, il fait des expos partout. Bon, voilà. Et les premières photos qu'il a faites, c'est moi. Okay. Et il vendait ses bonbons chez UGC. Mais voilà. c'était et pourtant, pourtant, les photos qu'il a faites, parce qu'il a fait plusieurs pochettes pour moi, c'était très différent de son travail à lui. Okay. Et c'est ce qu'il me dit, c'est ce qu'il aime bien, c'est que quand il fait une pochette pour moi, c'est pas lui qui a l'idée. Okay. C'est moi qui dis bon ben voilà, tu viens avec ton appareil. Moi j'ai une robe de mariée, des bottes en caoutchouc et un fusil. Il me dit qu'elles sont à faire. Je dis tu verras, tu vas te débrouiller. Il y avait déjà, ok. Voilà. Et à partir de là, je lui laisse les mains libres. Mais au départ, c'est je donne le ton. Ok. Voilà. Tu diriges un peu, mais pas trop. Voilà. Une fois que la personne connaît un peu ce que tu veux comme. Après, je fais confiance. Okay. Je donne ma direction et après je lâche. Ah oui. Oui, mais moi je m'attendais de rencontrer une gothique. Je sais pas pourquoi j'avais. Parce que j'ai un public, il y a une grande partie du public qui est gothique. Il n'y a pas que ça, mais il y a une. Non, mais je croyais que toi tu l'étais. Gothique dans la vie, habillée en noir avec. Je te croyais un peu. Bah, disons que comme je suis petite, effectivement, j'aime bien les plateformes shoes parce que ça fait quand même 20 cm de plus et que quand tu mesures 1m57, ça fait des grandes jambes quoi. Oui, une contenance. Mais c'est pas les jambes. Et surtout que j'arrive pas à marcher en talon. Ok, ah, c'est bien ça. Et que j'ai pas envie de faire l'effort d'avoir mal aux pieds. J'ai suffisamment eu mal aux pieds avec les pointes quand j'étais petite. Donc je préfère les plateformes shoes, mais gothique, non. Ok, mais sur scène, c'est tellement vrai que t'es pieds nus. Bah oui, c'est mal, je suis pieds nus parce que je suis plus à l'aise pour danser, pour bouger. Mmh. Dernier concert que j'ai fait, c'était un petit concert intimiste, un peu à la Barbara, piano-voix, à Paris. Et là, je m'étais choisi de très très beaux escarpins. Oui, c'est ce que... Et au milieu du spectacle, je leur ai dit, bah écoutez, je suis désolée, mais je vais pas pouvoir continuer. Il va falloir que vous m'acceptiez sans mes escarpins. Faut que je les retire, j'ai mal aux pieds. Mais les gens sont habitués de te voir pieds nus, donc. Oui, le problème c'est que ce jour-là, j'avais des collants pour pas que ça. Ah. Mais c'était des collants troués. Oh, ok. Donc j'ai fini le spectacle avec des collants troués. Voilà. The show must go on, hein. Exactement. Je dis, écoutez, j'ai fait voter le public. Mm-hmm. Et il y en a qui voulaient que je remette mes chaussures. Oh oui, mais ok. Genre, moi, j'ai une princesse, quand même, pas chanter avec des trous dans ses chaussettes. si. Mais les gens allaient entendre des chansons et non pas les trous dans les chaussettes. Voilà, à un moment donné, j'aurais dit, écoutez, il faut choisir. Moi, je suis vraiment pas bien. J'ai l'impression que je tombe, je vais me casser la figure. Je me suis dit, on va me tomber dans les bras. Il y en a que ça va peut-être amuser, mais pas moi. Donc voilà. Mais là, ça a réglé le cas. Plus de chaussures, absolument rien, pieds nus. Et là, sur le prochain spectacle, je suis pieds nus. Parce que là, c'est un chorégraphe qui veut me faire danser. Ben oui, mais tu danses à l'origine. Si je regarde dans l'Olympia, il va falloir que me remette à travailler de façon plus sérieuse parce que j'ai l'impression qu'il veut me faire danser sérieusement. Vraiment. Mais en plus, ça prend du souffle. Danser, chanter. Je sais qu'à l'Olympia, lorsque je t'ai vu, parce que j'ai regardé le spectacle 5-6 fois, j'ai même regardé les bonus et je sais plein de trucs et c'est pour ça que je veux te questionner aussi un peu là-dessus. Mais ça demande du souffle et lorsque tu viens pour parler à ton public, si t'es pas en forme, ben ça t'arrête et t'essayes de retrouver ce souffle-là. Et... Oui, mais si tu veux, pour chanter, il faut du souffle. Oui. Donc si t'as du souffle, t'as du souffle. Oui. Mais en dansant, c'est encore beaucoup plus exigeant. Moi, ça ne m'a jamais dérangé quand je fais les pieds au mur de chanter en même temps. Ok. Je sais pas pourquoi, peut-être parce que c'est un truc que j'ai travaillé petit, donc ça m'est instinctif de placer mon ventre. Okay. Je ne suis pas en manque de souffle quand je... Alors si je faisais, je sais pas, une diagonale de longe-pied en pointe, peut-être que là j'aurais du mal à chanter. Ouais. Bon. rempli les tétons. Je suis sorcière maintenant. J'étais funambule à plein temps. Et je suis tombée, tombée dans les temps. Mes cheveux sont pailles, c'est trop blanc. Je peux danser en rampant. Fini les étoiles et le vent. Je suis feuille morte à présent. Dans le caniveau, on est tous égaux. Et les gens qui doutent, je trouve ça beau. J'ai pété un câble, il était temps. Dans le caniveau, on est tous égaux. Dans le caniveau, on est tous égaux. Et les gens qui doutent, je trouve ça beau. J'ai pété un câble, il était temps. Dans le caniveau, on est tous égaux. J'ai perdu mes souliers et la tête. C'est pas pour ça que je suis bête. Les oiseaux s'envolent, je rigole. Et j'ai le cœur toujours en fête. Si plus de solutions, plus de problèmes. Je frotte mes joues, je suis blême. Je ne mange plus mes cigarettes. Je marche sur les traces de Verger. Et les gens qui doutent, je trouve ça beau. J'ai pété un câble, il était temps. Dans le caniveau, on est tous égaux. Dans le caniveau, on est tous égaux. Et les gens qui doutent, je trouve ça beau. J'ai pété un câble, il était temps. On est tous égaux. Dans le caniveau, on est tous égaux. Et les gens qui doutent, je trouve ça beau. Et j'ai pété un câble, il était temps. Dans le caniveau, on est tous égaux. Mais vu les mouvements que j'ai faits, ça ne me pose pas de problème. Mais ce qui est important aussi dans tes spectacles, après ça, on va revenir à la musique, parce que mais tu fais quelque chose d'assez exceptionnel. On ne s'attend pas de voir une chanteuse et un projecteur. Il y a une mise en scène, il y a des bancs, il y a presque de la neige qui tombe. Il y a de la neige qui tombe, oui. Il y a un environnement sonore. C'est comme un vidéoclip, mais dans un spectacle vivant. Voilà. Est-ce que il est nécessaire pour moi, quand je fais un spectacle, tu sais, quand on est gamine et qu'on joue, on se fait des cabanes. Mm-hmm. Ah oui. Bon, oui. On se fait un décor. Mm-hmm. Ben, quand je suis sur scène, j'ai le sentiment de retrouver la petite enfance de quand on se faisait les cabanes. Et je ne vais pas me priver de cet instant pour me mettre mon déguisement de princesse, ma neige qui va tomber. Même si effectivement sur scène, là, ça ne se voit pas trop parce qu'ils ont fait un bon montage sur le poster de l'Olympia. Oui, oui. Mais en général, je déconne beaucoup parce que je suis rigolote. Ah oui. Et j'ai besoin de m'amuser, moi. Et donc, j'ai besoin de... j'ai pas que besoin de chanter. Mais si tu t'amuses, les gens s'amusent aussi parce qu'il y a un réel plaisir qui... Oui, qui puis, aussi, oui puis en plus, j'ai un répertoire qui est en partie triste. Hein. Mmh. Et, mélancolique. Ouais, mélancolique. Mmh. Mmh. Et quand je vois des gens, bon, à la sortie de mes spectacles qui pleurent, je suis toujours gênée. Bon, je sais bien qu'ils sont venus et qu'ils connaissaient mes chansons avant, mais... Donc j'ai besoin, après une chanson triste, de dire une grosse bêtise pour qu'on reparte. Ventiler l'atmosphère. Voilà, il faut ventiler, autrement ça va devenir lourd. Les gens pleurent, ça va. Non, même moi j'ai besoin de... D'abord, il y a des chansons qui moi m'émeuvent aussi quand je chante. Ouais. Donc, Encore aujourd'hui, donc ça prouve que... Ah ben, il y a des chansons que je ne peux pas chanter sur scène. Okay. Parce qu'il y en a une que j'ai arrêté de chanter parce que je l'ai chantée 3 fois sur scène. Et je crois que la 4e fois... C'est laquelle? C'est Maman. Ok. Et cette chanson... Ça, c'est extrait de ton deuxième album, je crois? Non, Maman, je sais plus laquelle. C'est pas mon deuxième. Ok, non, c'est... j'irai voir. Ne t'en fais pas, j'irai voir. Okay. Et je la chante pas parce que je finis en larmes, mais pas en larmes avec la petite larme. Non. Alors, je vais pas moucher sur scène. Là, on n'est plus dans le spectacle. Là, c'est plus drôle. Alors, en studio, ça n'a pas été facile à coucher, cette chanson-là? Non, ça a été à écrire, c'était pas simple. Ok. C'est toi qui écris tes textes? Oui, beaucoup de textes. D'ailleurs, je pleure. C'est pour ça que j'aime pas trop écrire. C'est parce qu'en fait, en dehors de certaines chansons, mais j'écris très vite et avec manque de recul. C'est-à-dire que je suis vraiment dedans. Et je sais qu'Amélie Nothon me disait, mais pourquoi tu écris pas plus, tu écris pas un bouquin? Je me suis dit, mais attends, ça va, t'es folle. Je suis déjà en larmes sur une chanson. Tu m'imagines faire un livre? J'ai pas envie. Mmh. Surtout qu'il faut en parler de ce livre-là? Non, puis j'ai pas envie, ça va, j'ai pas envie de gratter plus que ça, ça fait déjà suffisamment mal. Moi, je suis pas mazo, je suis pas comme toi. Pas envie, moi. Toi, c'est plutôt dans la chanson, c'est exprimer un état d'âme. C'est un état d'âme. À ce moment-là. Voilà, c'est un état d'âme. À ce moment-là, je ne prévois pas, par exemple, je ne mets pas à mon bureau en me disant, tiens, voilà, faut que je fasse un album. Ok. Non. Ça vient ou ça vient pas. Voilà. Mathieu lui fait des musiques. Et puis, c'est en général le déclencheur. Okay. Quand tu fais une musique, voilà. Et hop, j'ai... Au tout début de ta carrière, ce qui t'a aussi lancé, c'est la marque d'un parfum qui t'a approché. Ah non, ça m'a pas lancé. C'est venu vachement tard. Okay. Et ça m'a finalement pas apporté tant que ça parce que j'ai d'ailleurs pas compris qu'on me contacte parce que comme je suis, comme tu dis, underground, j'étais un peu étonnée. Mais est-ce que ça te plaît de l'être underground ou si t'aurais peut-être voulu... Non, moi je voulais pas être underground, non. Ok, toi tu voulais être populaire. Ah ouais, moi j'aurais aimé, mais c'est raté. Mais pourquoi? Qu'est-ce qui s'est passé? Bah parce que ce que je fais n'est pas populaire. Et je pense que crois-tu que tu es arrivé au même moment que Jeanne Masque, des chanteuses... Je suis arrivé un petit peu après. Mais que c'était déjà peut-être pris par Jeanne Masque, par... Mais c'était déjà populaire, Jeanne Masque. Même si c'était Space, il y avait une résonance populaire. Ouais. Il y a Farmer aussi qui touchait peut-être dans les mêmes... Ah bah oui, bien sûr. Okay. Alors, il y avait le côté... En plus, il y avait quelque chose de vrai sur Farmer, c'est qu'on a des notes communes au niveau vocal. Oui, c'est ça, exactement. Et ça, on ne peut pas le nier. Je vais dire, non, c'est pas vrai. C'est totalement vrai. Et tu vas arriver au même... elle, un petit peu avant, je crois. Oui, mais c'est pareil. Elle a ce côté, malgré tout, dans le format de ses chansons, c'est radio. Oui. Moi, mes formats, ils ne sont pas radiophoniques, tu vois. Donc, j'ai envisagé d'essayer de faire des chansons radiophoniques parce que moi j'aimerais bien passer à la radio, j'aimerais bien être un peu dans les radios communautaires comme la nôtre. Voilà, mais en fait, tu ne deviens pas ce que tu n'es pas. Mmh. dans ton beau manteau. Je parais plus. Je crois, je m'abloutis entre toi. D'amour et d'eau, mais nous sommes nourris. De savoir qu'aussi fort je meurs, me voir la punir. Je suis la marchanceuse, la vanité, la gueuse. Elle meurt ton amoureuse, te diront les envieuses. Je suis la marchanceuse, la vanité, la gueuse. Oui, mais je meurs heureuse, heureuse et amoureuse. Je la malchanceuse, la vanité, la gueuse. Elle m'a ton amoureuse, te diront les envieuses. Je suis la malchanceuse, la vanité, la gueuse. Oui, mais je meurs heureuse, heureuse et amoureuse. Souffle mon amour, ton nuage blanc chauffe mes doigts. Et s'il est encore temps, sauve-moi. D'amour et d'eau fraîche, c'est en vivre. Tes yeux, ta peau, je bu de toi, je suis ivre. Des dalles de mots, nous avons dansé. Que l'écho de l'enfant ne perde jamais, non, viens songer. Je suis la malchanceuse, la vanité, la gueuse. Elle meurt ton amoureuse, te diront les envieuses. Je suis la malchanceuse, la vanité, la gueuse. Oui, mais je meurs heureuse, heureuse et amoureuse. Je suis la malchanceuse, la vanité, la gueuse. Elle meurt ton amoureuse, te diront les envieuses. Je suis la malchanceuse, la vanité, la gueuse. Oui, mais je meurs heureuse, heureuse et amoureuse. La malchanceuse, la vanipie, la gueuse. Elle meurt ton amoureuse, te diront les envieuses. Je suis la malchanceuse, la vanipie, la gueuse. Mais je meurs heureuse, heureuse et amoureuse. ça va beaucoup changer. Je te trouve bien magané, puis encore bien poigné. En 2 juin, tu pourrais faire quelque chose. En 2 juin, tu pourrais te grouiller le cul. Ta soeur est aux États, ton frère est au Mexique. Ils font d'argent là-bas pendant que tu chômises. T'es né pour un petit pain, c'est ce que ton père t'a dit. Chez les Américains, c'est pas ça que t'aurais appris. En 2 juin, tu pourrais faire quelque chose. En 2 juin, tu pourrais te grouiller le cul. C'est très simple d'affaire, faut que t'apprennes à marcher. Si tu fais comme ton père, tu vas te faire fourrer. Je sais que t'es en hostie pis t'en as jusque là. Mais tu peux changer ça, vite ça ferait sans maudit. En 2 juin, tu pourrais faire quelque chose. En 2 juin, tu pourrais grouiller le cul. T'as un gouvernement qui te voit la tour de bras. Non, pas le gouvernement, mais débarrasse-toi ça. Moi, je trouvais pas comme un chien pis sans toi, pas coupable. Moi, je te dis que t'es capable, ce pays-là t'appartient. En 2 juin, tu pourrais faire quelque chose. En 2 juin, tu pourrais grouiller le cul. T'as pas besoin de crier, t'as juste à tenir debout. Ça sert à rien de broyer, mais faut que t'ailles jusqu'au bout. T'as rien à perdre, où es-tu, parce qu'ici, au Québec, tu commences par un cul, puis finis par un bec. En 2 juin, tu pourrais faire quelque chose. En 2 juin, tu pourrais te grouiller le cul. T'as pas besoin de crier, t'as juste à tenir debout. Ça sert à rien de broyer, mais faut que t'ailles jusqu'au bout. T'as rien à perdre, où es-tu, parce qu'ici, au Québec, tu commences par un cul, puis finis par un bec. En 2 juin, tu pourrais faire quelque chose. En 2 juin, tu pourrais te grouiller le cul. En 2 juin, on pourrait faire quelque chose. En 2 juin, on pourrait se grouiller le cul. We'll be right back. peux pas forcer non plus. Et ben, sinon, c'est pas toi. Mais même si, quand j'essaye, parce que j'ai essayé, j'ai cru faire, réussir, okay. Et ben c'est raté. J'ai le tube, là. Oui, et en fait, si ça fait un tube auprès de mes fans, mais on m'a dit, oh ben non, c'est pas radio. Bah, je sais pas faire autrement, j'y arrive pas, et voilà. Ou tu pourrais demander aux gens de la radio, qu'est-ce qu'une chanson de radio, qu'est-ce qu'une chanson qui joue et une chanson mais qui joue pas. Ils savent pas me répondre, et puis de toute façon, ça m'intéresse pas plus que ça, parce que je pense que je serais pas capable de le faire. Est-ce que tu peux un peu parler de cette histoire-là, que le l'histoire du parfum et... Oui, bah, l'histoire du parfum, c'était il y a pas très longtemps, donc c'était pour l'anniversaire des 20 ans de ma fille. Et donc j'étais à Paris pour lui offrir. Tu restes pas à Paris, hein, c'est ça que tu me disais? Oui, moi je suis pas à Paris. Ok, ok. Donc là j'étais à Paris et dans une boutique pour. Je fais de la pub qui est à Paris-Berlin. Ben non, c'est maquillage professionnel. Ouais. Et pour qu'elle achète tous les maquillages pour se déguiser en geisha. Mm-hmm. Donc maquillage blanc, la bouche. Mm-hmm. Voilà. Donc c'était un bon budget. Et en sortant, on va dans un café pour son anniversaire, tout ça, bon, on est content. Il y a un téléphone qui sonne, Mathieu répond, mon mari. Et il y a un type qui lui parle en anglais et il se dit, ah, ok, c'est Olivier, un copain qui est là avec nous aujourd'hui d'ailleurs, qui nous blague parce qu'il commence à nous parler de Givenchy, Uma Thurman. Ça va, merci. Donc il me passe le téléphone, en plus il n'est pas très à l'aise en anglais. Moi non plus, mais j'ai aucun complexe, donc je parle anglais sans problème, dans le sens où je m'en fous de faire des fautes. Et donc je vois tout de suite que c'est pas de la blague. Et le mec il me dit, bah voilà, vous prenez combien? D'abord j'ai envie de dire, tu me connais d'où? Tu t'imagines bien que moi les prix j'y connais rien. Alors j'ai essayé de la jouer à... Ouais, ça m'arrive souvent d'être contacté. Ouais, tu vois, moi je suis souvent contacté par des grandes marques comme ça. Je dis, bah, faut que je réfléchisse. Oui. voilà, et puis bah, finalement j'ai pris des renseignements. Et puis voilà, et je par contre, après moi, une fois que le truc a été lancé, je leur ai dit, mais attendez, vous m'avez connu comment? Et puis? Et bien ils m'ont dit, en fait, il y a des chasseurs de tête aux États-Unis, comme partout, et on voulait une chanteuse française, on la voulait française, et on voulait choisir la chanteuse française la plus, comment ils ont dit ça? Classe. Ok, oh, qui représente un parfum classe, c'est ça? Voilà. C'est le plus française. Okay. Et qui l'élégance française, ouais. Voilà. Et il me dit, bah, on a fait le tour des chanteuses, connues, pas connues, et c'est toi. Ah. Et bah, quelle chanson, est-ce que tu peux... Et bah, c'était sur personne. Ouais. Sauf que je leur ai dit, c'est une bonne idée, mais votre parfum, avec personne, vous êtes anglais, vous vous rendez pas compte que personne n'aime personne, ça fait pas pour un parfum. Ça va pas le faire. Hein. Alors moi, ce que je vous propose, c'est que je vais réécrire un texte. Comment il s'appelle votre parfum? On dit il s'appelle Ange ou Démon. Alors j'ai fait une chanson qui s'appelait Ange ou Démon, qui est devenue Ange et Démon. Et j'ai écrit le texte et... Et ça a été accepté? Et oui, c'était accepté, j'étais ravie. Ils étaient déjà vendus, donc... Ah oui, ils étaient accrochés. Hein. Ok. Ah, ils voulaient que ce soit moi, et puis voilà. Mais ça a été une expérience quand même assez... Oh, mais c'était génial! Mais il y a des choses qui t'arrivent. On m'aurait dit, je sais pas, il y a un mirage qui va se poser dans ton jardin, je n'irai pas cru non plus, tu vois. Voilà, un autre mirage, Anthony Delon, qu'est-ce qu'Anthony Delon est... Ah non, ça c'est pas un mirage, Anthony, c'est juste que j'ai jamais pensé à lui parce que je... Mais est-ce que tu le connaissais à lui? Non, okay, okay. Non, pas du tout, c'est juste en fait que je regardais une émission à la télé, il y avait son père. Ok. J'étais invité avec sa sœur, Anouchka, pour la promo d'une pièce de théâtre. Ouais. Et ils avaient fait un empex pour balancer une... C'était Anthony qui se foutait de la gueule en fait de la famille Delon. La dérision. Total. Mais avec un talent, j'ai vu ça, j'étais plié en deux et je me suis dit, mais ce type, on le voit jamais, en tout cas dans les choses... Bah, c'est un comédien, il a joué dans deux, trois films. Mais pas, il n'a pas une carrière, non. Et je me dis, mais quel dommage, ce type a un talent fou. Moi, je suis vraiment tombée, je me suis dit, mais... Il faut faire quelque chose. Non, j'avais déjà un texte prêt, la chanson c'était Skype. Je l'avais écrite parce que forcément c'était pour Mathieu et moi, parce que c'est nous qui nous, quand on est tout le temps sur Skype, quand on se sépare, parce que j'ai aussi une maison en Transylvanie. Ok. Ah mais je croyais que c'était un gag lorsque tu me disais ça sur Facebook, que tu avais une maison... Non. Mais pourquoi en Transylvanie? Parce que j'ai pas les moyens de m'acheter une maison ailleurs, et que moi j'avais vraiment, depuis l'âge de 20 ans, je veux une maison dans les Alpes. Ok. Thank you.